Salut Charline. On va parler des agriculteurs. Ah oui, très bon sujet. Il faut que je lise un petit peu des trucs parce que je maîtrise pas trop. Moi, je m'y connais un peu. Ah, mais j'aurais pas dit, moi, tiens. Bah, si, j'ai regardé L'Amour est dans le Pré. Mais qu'est-ce que t'en as tiré comme analyse de la cause agricole? Bah, que Karine Lemarchand est pas mal. Ouais, c'est ça. Bon, allez, bon, c'est pas grave. Bonjour les ménestrels. La baronne, évidemment. Mais dites, t'arrives bientôt. Oui, mon éveil fut précipité par la lumière du jour et je me suis dit qu'il vous plairait d'être inondé de ma compagnie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est contente d'être là. Moi aussi, je compte les. Bon, bah, écoute, mets-toi à l'aise. Pardon. Enfin, je veux dire, si madame veut avoir l'obligeance d'installer son séant sur notre modeste mobilier. Ah, voilà. Vous voulez que je pose ma croupe? Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Excusez-moi. Croupe, c'est un peu vulgaire. Bon, bah, je suis rebelle. J'aime bien m'en canailler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, alors le sujet 1, ce sera les agriculteurs. Bon, j'imagine que t'as pas vraiment d'avis là-dessus. Bien sûr, non, bien sûr que j'en ai un. Ouais. J'ai un avis sur les serres. Ah, j'adore ça. Ouais. Ces gens sont divertissants. Leur dégaine, leur langue, même leur odeur. Oula. Je kiffe. Allez, on va parler des serres. Je parlerai des miens. Bon, bah, super, super. Oui, on va parler des embouteillages surtout. Oui, j'ai lu ça. J'ai lu qu'ils interrompaient le voyage des carrosses. Oh, c'est bien dit. C'est ça. Oui, bon, bah, chacun peut être le sujet, puis on verra sur antenne. Voilà, d'habitude, voilà. Super. Okay. Oh, Clara, t'es d'accord, non? Wesh, ma gueule du 1-6. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était d'accord dans le 1-6. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui conduit l'actualité en tracteur et voici les trois infos qui vont mettre trois plombes d'ici 18h. Les tracteurs sont entrés dans Paris, les agriculteurs sont soutenus par la majorité de la population française qui s'intéresse toutefois plus à leurs amours dans le pré qu'à la chute de leur marge bénéficiaire. Parisien, c'est quand même un drôle de bestiau. L'équipe web de l'Élysée est en train de bâtir une communication 2.0 destinée à pécho les jeunes électeurs. Hollande sera bientôt sur Snapchat pour mettre sa race à Sarko. Mes chers amis de Facebook, chers followers de Twitter. David Bowie compose une comédie musicale sur Bob l'éponge. Bowie a toujours été un précurseur, mais là on avoue être un petit peu dépassé, à moins qu'il n'écrive précisément cette scène. Mais cette réponse, cette réponse, cette réponse. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui ressemble aussi à un autre héros gentil de notre enfance, mais aussi de notre vie d'adulte. C'est un petit peu le prince de Lu. Ah, j'ai eu peur. C'est Alex Vizorek. Je vous remercie. Un petit côté prince, s'il vous plaît, baronne. Bon, je vous lance tous parce qu'on a l'équipe, comment dire, l'équipe originelle, on va dire ça comme ça, dans cette émission aujourd'hui à 17h20. Aujourd'hui, je vais lui faire une présentation minimaliste. En hommage à la musique minimaliste qu'il nous a proposée hier. C'est bien parce qu'il y a des leçons qui, voyez, qui rentrent. Quand même. Musicien, philosophe, chronique, prolongue, rire, André Manoukian. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Bonjour Alex, bonjour Charline. Normalement, pour faire la vraie musique minimaliste, il faut répéter ça en boucle. Mais ça fait rien. Allez-y, recommencez. Ouais, musicien, non, chronique, prolongue. Aujourd'hui, elle s'appelle Liane Lahavas. C'est une chanteuse afro-saxonne. Spécialisée en Liane André Manoukian. À 17h30, on aimerait parfois qu'il soit minimaliste, mais malheureusement, il est maximaliste par son insolence et surtout son talent. Bonjour Guillaume Meurice. Oh là là, bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis rendu ce matin à la grande manifestation des agriculteurs en colère, mais pas que, on s'est également bien marré. Attention, blague d'agriculteurs. Ou alors ces deux prostituées qui se trouvent le matin, il y en a une qui vient l'être, ça s'est bien passé avec ton pompier? Ah, il est impeccable. Et toi avec ton agriculteur? Oh, il m'en parle pas, au début c'était trop sec, après c'était trop mouillé, après c'est trop cher. Voilà, ça va très vite, ça. C'est du jargon d'agriculteur, voilà. C'est de l'humour d'agriculteur. Oui, il faut rire aussi dans ces moments difficiles et à 17h40, il va falloir revenir à la poésie. Une fois par semaine, je peux encore lui déclarer ma flamme, une flamme héritière du cadeau de Prométhée aux hommes, oh, une femme qui tremble like a candle in the wind. Mais surtout une flamme qui, malgré les tsunamis d'échecs, ne s'éteint pas. Bonjour Clara Dupont-Mono. De quoi vous nous parlez? Reprenez votre souffle, Clara. Bon, non, mais... vous pouvez répéter la chanson d'Elton John? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un livre sur les profs, puisque cette semaine, c'est la rentrée scolaire. Ah, vous êtes dans l'actualité, c'est la comme à chaque fois. C'est la rentrée, mais vous me paraissez bien dissipé. Heureusement, nous avons avec nous un référent de la République pour remettre l'église au milieu du village. République, village, église. Vous êtes né sous le gouvernement provisoire de Georges Bidault. Ouh, vous réalisez votre premier film Diva en 80. C'est l'année où s'ouvre le tribunal des flagrants délires sur cette antenne. Vous réalisez ensuite 37-2 le matin en 86. C'est l'année où le plan Orsec est déclenché car il est tombé 2 mètres de neige dans le Loc de Croussillon. Vous publiez, vous avez eu le nez fin. Vous publiez le premier tome de vos mémoires, Les Chantiers de la Gloire, en 2006, l'année où Les Bronzés 3 atteignent les 10 millions d'entrées. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre douce voix, vous êtes... Jean-Jacques Benex. Oui. Et c'est bienvenue. Bon. C'est bien. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Jean-Jacques Benex, nous recevons aujourd'hui le metteur en scène de théâtre. Vous mettez en scène Kiki de Montparnasse au Lucernaire jusqu'au 18 octobre avec les chansons de Franck Thomas, la musique de Reinhard Wagner, avec Héloïse Wagner dans le rôle titre et Alex Vizorek est allé voir Kiki de Montparnasse au Exactement, Lucernaire. Exactement, au Lucernaire qui est juste à côté du Montparnasse dont parle Kiki de Montparnasse. Et la question que j'avais envie de vous poser, parce que je me dis quand un réalisateur de cinéma vient au théâtre, on s'attend chourra qui avait fait des grandes comédies musicales, Robert Hossein, c'était Peplum au Stade de France, on s'attend à ce qu'ils se disent bah « Moi, ce que je veux, c'est les gros moyens. » Et ici, vous avez choisi d'être dans quelque chose d'extrêmement intime. C'était une volonté de votre part, pour l'interrogation. A priori, j'espère. C'était aussi une façon de mettre dans un écran un personnage qui a beaucoup de facettes et de ne pas tomber dans une surenchère de moyens que je n'avais pas, donc c'était plutôt plus facile. Et de profiter de la proximité des spectateurs dans un lieu très petit. Et surtout de tisser quelque chose entre la musique, la danse et le théâtre. Avec une interprète principale. Et vraiment, l'idée, c'était de lui servir un bel écrin pour mettre en valeur... son éclat. On est dans une chambre d'artiste, à peu près, des années 20. Ça parle beaucoup de peinture, de Modigliani, de Soutine. Il y a notamment une phrase qui dit « Modigliani à jeun, plus personne s'en souvient ». Malheureusement. Oui, mais c'est toute une atmosphère qui, pour finir, est très cinématographique. Est-ce que ça vous a pas frustré un petit peu aussi? Non. Et cette petite toile au fond sur laquelle il y a des projections, est-ce que ce n'était pas une manière de compenser? Non, parce que on est dans un atelier de peintre. Il faut suggérer la peinture. Il ne faut pas l'imposer. Il faut tout le temps être en démarcation ou en distance par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on chante et ce qu'on voit. Ce sont des hommages indirects, souvent codés. Il y a le douanier Rousseau, il y a le Montparnasse qui n'a pas vraiment été filmé, mais qu'on a un peu colorisé. Il y a une évocation d'une fenêtre vide, mais c'est Jeannet Buterne qui s'est jeté par la fenêtre avec son gosse. Donc c'est toute une émotion. C'est jamais complètement direct. Vous voyez, Man Ray, ce sont des photos qui apparaissent dans un révélateur, mais elles sont floues et on ne sait pas. On est dans l'eau, on est dans quelque chose d'ailleurs. Kiki de Montparnasse, elle avait écrit ses mémoires. Oui. Vous vous êtes basé de quelle façon sur le livre ? Il y a beaucoup de copier-coller qui ont été après. Les collages ne sont pas directs. Il y a des rajouts, il y a des coupures, des césures, des frottements harmoniques, autant de choses pour que ça fasse joli, beau et que ça sonne bien. C'est une période, Jean-Jacques Benex, que vous affectionnez particulièrement. Ça serait un petit peu comme dans le film de Woody Allen, votre époque rêvée, c'est Montparnasse des années 20, ou vous auriez une autre époque, vous, non, perso. Il y en a tellement dans lesquelles j'aurais aimé vivre, mais c'est une époque extraordinaire. Mais en même temps, faut voir que quand même, c'est une époque qui sort d'une monstrueuse guerre qui a saigné l'Europe. C'est le début de la chute de l'Europe. On l'a oublié, ça. La guerre et la grippe espagnole. Elle en parle. Il y a une chanson notamment qui fait allusion à ce qui va arriver. Et ça va recommencer. Alors, au milieu de ça, il y a une bande d'émigrés. Ça fait réfléchir. De partout. Qui vont créer une révolution intellectuelle, artistique, dans la peinture, dans la littérature, dans la sculpture. Ils ont un appétit de vivre, et puis c'est une fusée, ça dure deux décennies, et puis après ça recommence. Ça nous amène à réfléchir. Mais l'art était très fort à cette époque-là. Il y avait un jaillissement d'après cette période. Ah oui. et qui est élue reine de Montparnasse. Ce qui est à la fois magnifique et dérisoire. Parce que c'est un modèle qui réussit, mais si on compare avec les modèles qui réussissent d'aujourd'hui, vous voyez la différence. Elle paye c'est Nabila de Montparnasse. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Elle s'auto-impose vedette. Oui, mais elle s'auto-détruit et elle laisse... Nabila, elle détruit son copain, plutôt. Voilà. C'est quand même une grosse différence. Ouais, ouais. Et pendant que David Bowie s'occupe de Bob l'Éponge, Jean-Jacques Benex, lui, il met en scène Kiki de Montparnasse au théâtre du Lucernaire. C'est jusqu'au 18 octobre. On va avoir l'occasion d'en reparler justement avec le sujet sur David Bowie, bien sûr. Make it. Sunday Shining, ce sera pour après-demain. Pour l'instant, vous êtes sur France Inter. Il est 17h21, nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Benex qui met en scène Kiki de Montparnasse au théâtre du Lucernaire. Et autour de cette table, Alex. Autour de cette table, nous avons André Manoukian qui a rangé son piano mais qui nous parlera évidemment musique. Clara Dupont-Mono, c'est le jour de la semaine où elle est là. Et Guillaume Meurice qui a été rendre visite aux agriculteurs. Et assis au dernier rang de la rédaction de France Inter, Alex et moi, nous avons préparé un journal d'information que voici. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. La nouvelle ministre du Travail était l'invitée d'RTL ce matin. Et si vraiment elle voulait s'attaquer au chômage, elle aurait dû aller sur Canal+ et demander à Vincent Bolloré de garder des gens. Muriel Mayette est nommée à la Villa Médicis à Rome. Alors, à mettre en conditionnel encore, mais c'est presque elle. Ah bon. Son homme Gérard Holz est ravi. Il aime aussi beaucoup le Tour d'Italie. Et enfin, quelques brèves qui ne changent pas le monde, mais qui pourraient le consterner. La nouvelle ministre du Travail s'y est mise tout de suite au travail. Oui, elle était ce matin l'invitée d'Olivier Mazerolle sur RTL et il s'est fendu d'une bonne première question. Bonjour Myriam El-Khomri. Bonjour. 37 ans, Benjamin du gouvernement, vous dites « je suis marocaine par mon père », ça donne quel trait de caractère ? Bien joué, Oli ! Bien joué ! Mais oui, mais... Bonne première question d'Olivier. Il a hésité à amener le thé à la menthe pour détendre tout le monde, hein, mais il l'a pas fait quand même. Et elle lui a répondu ? Ben oui, gentiment, elle lui a dit « chaleureuse ». Vous voyez ? Et... comme tous les Marocains, sont chaleureux, c'est bien connu. Et donc, il s'est dit, si elle est vraiment chaleureuse, bah, je peux continuer. Alors, vous avez décidé justement de faire carrière sous le nom de jeune fille, alors que vous auriez pu vous présenter avec le nom de femme mariée. Votre mari est un bordelais pur sucre. Enfin, c'est ce qu'importe, mon truc en France, quand on s'appelle les Khomri, on peut réussir tout aussi bien que si on s'appelait, je sais pas moi, Marceline Dupont. Super. Et le Oli Mazerolle, il a d'autres interviews prévues cette semaine. Oui, bah j'espère. Je vais demander à Nicolas Sarkozy. Alors, vos origines hongroises, ça donne quoi comme qualité? Et puis Manuel Valls. Alors, les Spingouins, tu sais danser le flamenco? Et enfin, Jean-Vincent, entre nous, t'as pas une gueule à t'appeler placé. Autre info politique qui émane d'une matinale. Oui, sur France Inter cette fois. Ce matin, l'invité de Patrick Cohen était le maire de Londres. Et dans les couloirs, juste avant, il avait croisé Nathalie Kosciusko-Morizet. Et je sais pas, ça l'avait rendu heureux. Elle a transmis une question, Thomas Legrand ? Oui, elle me l'a laissée, Nathalie. Donc Nathalie de, Nathalie voilà. de Paris, donc, a une question elle, elle pour elle vous. A dit, qu'elle va se présenter comme... comme président de la République. Oui, mais c'était off. Ah, voilà, vous m'oubliez. Ah oui, je vous ai donné un scoop sensationnel. Voilà, il a donné un scoop sensationnel que Thomas Legrand avait gardé pour lui. Mais voilà, alors j'espère que Nicolas Sarkozy écoutait les paroles de sa lieutenante. Nathalie Snowgood voudrait donc prendre la place du calife. Front National à présent, oui. On a appris que le service d'ordre pour l'université d'été qui se tiendra ce week-end, le service d'ordre a été renforcé avec une augmentation des effectifs. Oui, effectivement, on compte donner cette fois deux parapluies à Bruno Gonich pour qu'il s'occupe des journalistes. Nomination à présent. Oui, Muriel Mayette devrait donc être nommée à la tête de la Villa Médicis à Rome. L'ex-directrice de la Comédie Française, épouse de Gérard Holz, aurait été choisie sur recommandation d'un ami, certain Manuel Valls. Et Gérard Holz s'est ravi. On le retrouve tout de suite en train à la Villa Médicis. Gérard, vous êtes là ? Oui, oui, oh là là, que c'est beau, tous ces artistes en plein effort. Et il y a là un romancier qui attaque la troisième page de son roman. Oh là là là là, à ma droite, merveilleux, un cinéaste qui monte son film en danseuse, et debout sur sa chaise, ouais, et au bout du couloir, un plasticien qui est en train de faire une belle œuvre à base de coquilles de noix. Oui. Que c'est beau, toutes ces subventions. Vive le sport à la Villa Médicis. Merci Gérard. Passons à la mode. Le burkini. Le burkini fait fureur sur les plages au Maghreb. Le burkini, c'est une burqa bikini, un juste au corps en lycra, créé en 2007 par une styliste turque. Ce qui n'a pas empêché une jeune Algérienne en burkini de commettre un attentat à la pudeur en pratiquant le topless sur la plage. Elle a exhibé une mèche de cheveux en sortant de l'eau. Ah, oui. Et on termine par une invention. Très belle invention allemande, le premier cadenas anti-intrusion installé sur les pots de Nutella. Effectivement, c'est un peu comme un anneau gastrique, mais qu'on mettrait directement sur le pot de Nutella. Ségolène Royal est ravie. Merci et à demain. Enfin non, tout de suite, il est 17h26. Demain, le journal pour l'édition de 17h17. De presque 17h17, oui, puisqu'il est 17h25. Puisqu'on y est Jean-Jacques Benex nous accompagne jusqu'à 18h. Nous allons aborder avec vous le premier sujet. Le Parisien titre ce matin, Parisien aujourd'hui en France, « Mais quel foin !» Libé titre « Opération coup de foin !» La FNSEA a appelé les exploitants agricoles à bloquer les rues de Paris. Notre envoyé spécial a rencontré l'un d'eux pour tenter de comprendre. À une époque, moi je me suis dit, tiens, tu devrais arrêter le mouton, qui est une activité très très très fastidieuse et qui finalement ne rapporte pas autant qu'on croit. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, ça fait 15 lieues que vous nous pétez les noyaux avec vos bestioles. Les poules, c'est plus que c'était. Les chèvres, c'est parental. Maintenant, les moutons, c'est fastidieux. Vous savez même pas ce que ça veut dire, fastidieux. Quoi, fastidieux ? Et pourquoi je saurais pas ce que ça veut dire, fastidieux ? Parce que je suis un gros con de paysan, c'est ça ? Alors d'accord, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, mais moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, fastidieux. Oui, mais non, mais vous, ça va, c'est bon. Ah bon, alors elle, c'est bon. Parce que c'est une bourgeoise, elle, c'est bon. Hein, voilà. Un extrait de Kaamelott. C'est un petit peu le regard qu'ont les Parisiens quand ils voient débarquer les tracteurs dans Paris, peut-être. Alors nous, les urbains, on n'est pas toujours très bien placés pour comprendre vraiment tous les tenants et aboutissants de la grogne des agriculteurs, qui est une crise qui s'ajoute à bien d'autres crises. Pourtant, elle concerne le métier qui permet de nous nourrir chaque jour. Alors, est-ce que Jean-Jacques Benex, le citoyen qui est en vous, est comme ces 65% de Français qui soutiennent les agriculteurs, 84% qui comprennent leur grogne? Est-ce que c'est un milieu qui titille les tripes énormément, parce que c'est un milieu qui touche quelque chose de fondamental. Première constatation, bilan carbone, 1500 tracteurs, pas terrible. C'est bien de Bretagne en plus. Ouais. Mais de quelle agriculture on parle? De la grosse agriculture céréalière, dépendeuse d'OGM, de semences brevetées, ou d'une agriculture raisonnée, raisonnable? C'est l'agriculture des fermes aux 1000 vaches ou l'agriculture des élevages dans les champs, etc. C'est l'agriculture aux tourteaux de soja qui déforeste le Brésil et qui sont transportés à grands frais de bateau au Havre ou à Rochefort pour le bilan carbone. Pour le bilan carbone et pour manger des animaux et péter et contribuer à l'effet de serre. Bref, il y a plein de trucs à voir là-dedans. Alors moi, je soutiens les agriculteurs dans la mesure où il faut avoir une autosuffisance alimentaire. Mais quelle agriculture on fabrique? C'est un choix de civilisation. Oui, mais justement, je ne suis pas certain qu'on soit en train de faire le bon. Et puis, ces aides, cette commission bruxelloise qui est absolument infestée par les lobbies les plus puissants, qui fait que, par exemple, on n'a plus le droit de semer des semences naturelles. Il faut acheter, on n'a pas le droit de replanter, etc. Voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. Globalement, je ne dois pas être très compétent, mais sur ma terrasse, je fais pousser des tomates. Ah, oui, mais on voit que vous intéressez au sujet. Voilà. Sans Santo. Mais il y a des contradictions quand même dans toute cette manifestation. En tout cas, le sondage que citait Charline, les Français tiennent comme responsables de cette crise. Ils disent d'abord les grandes surfaces, les supermarchés, qui saignent donc les producteurs. Et ils disent en deuxième position, c'est l'Union européenne, pour 56% des Français. Laquelle Union européenne, c'est très contradictoire, parce qu'elle donne aussi de l'argent pour faire vivre les producteurs, quand même, les agriculteurs. Mais pas tous, et pas de la même manière. Je pense qu'il y en a qui en profitent plus que d'autres. Mais je ne suis qu'un petit cinéaste de base. Cinéma, justement, je vous renvoie peut-être vers le Figaro.fr qui a répertorié tous les films qui traitaient du milieu agricole. Il y a par exemple en 43 Jacques Becker, Goupil main rouge, ou alors en 72 Georges Lautner avec Quelques messieurs trop tranquilles et Paul Prébois. Et cette perle, un tracteur, c'est comme une brosse à dents, c'est personnel. Voilà. Donc le monde de l'agriculture sous le regard de Jean-Jacques Benex, on va vous intéresser de près. On a compris que vous regardiez cela. Oui. André Manoukian. Oui. En parlant de tracteur. Du chant très vaste musical. Voilà, c'est ça. Séquence spirituelle. Je voulais juste dire que l'étymologie du mot païen, ça vient de paganus, paysan la terre. On et en fait, peur. C'était. Qu'est-ce qu'il y a? Paganus, on a eu peur. Oh, mais Clara. Et vous tout vous ça, tout ça pour dire, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, en fait, les dieux autrefois étaient liés au sol. Donc, moi, j'ai un rapport un petit peu mystique avec les paysans. Ils sont sacrés. Faut avec pas les mal toucher. De choses, hein. Oui, c'est ça. Alors là, elle s'appelle Liane La Havas et c'est une chanteuse afro-saxonne. C'est bizarre, personne n'a employé ce mot avant. Non, les afro-saxons. Il y a plein de mots que vous utilisez, André, personne n'a jamais employé avant. Hein. Question, pourquoi les afro-anglaises chantent mieux la soul que les afro-françaises? Je ne vais pas me faire des copines là. Hein. La faute à quoi? Ok. On prend une fille qui est d'origine africaine, qui est élevée, une aux États-Unis, une en Angleterre et puis une en France. Okay, elles viennent du même coin d'Afrique. Elles vont produire des chants complètement différents. Le français est plus guttural ? Eh ben, c'est la faute à la langue de Molière, parce qu'en fait, il n'est pas plus guttural, le français. Au contraire, il ne fait marcher que trois petits muscles autour de la bouche. Quand on parle l'anglo-saxon ou le québécois, ce qui est la même chose, eh ben, à ce moment-là, on fait résonner les muscles du nez, les résonateurs, la gorge, y compris le front. Vous allez dans un café en Angleterre ou aux États-Unis, le niveau des dB est presque insupportable. Ça gueule de partout. Voilà. Donc, petit problème avec la langue de Molière. Alors, notre afro-saxonne du jour, Liane Lahavas, si elle est née à Londres, est en plus d'origine afro-grecque. Papa grec, maman jamaïcaine. Et là, c'est direct à Calypso qu'on pense, la déesse grecque de la musique. Et bien sûr, il va être question d'envoûtement vocal. Moi, j'étais en cure de désintoxication vocale et bim, à peine une petite lichette de Liane et j'ai replongé grave. La soul afro-saxonne est issue du mariage réussi d'une langue et d'une religion. Prenons la musique en Afrique. Les grandes inventions vocales qui méritent d'être notées sont de deux ordres. Commencez pas à rigoler, Charlie, je vais pas m'en sortir. On attend le moment où ça va, où il y a un chameau qui va arriver. Voilà. Personne n'a osé dire que vous aviez déjà pris des fichettes de Liane. Les grandes inventions de Liane, de la musique, on a les grandes inventions vocales. Jean-Jacques, vous êtes musicien, c'est marqué dans votre bio. Deux ordres, l'ordre vocal, les polyphonies des pygmées et les chants des griots. Les polyphonies des pygmées, parce que c'est un exemple de création collective avec des contre-chants complexes, des réponses, plusieurs voix sont en harmonie et aucun Kapellmeister n'a écrit de partition, ce qui est une belle métaphore du vivre ensemble. Imaginez un cercle où tout le monde parle en même temps, ça c'est courant, ça c'est chez nous, tout le monde parle en même temps, sans écouter l'autre, alors que là, chez les pygmées, c'est carrément l'inverse. On est à l'écoute de l'autre et on harmonise sa voix spontanément avec lui. Et il peut y avoir jusqu'à 5 notes différentes, ce qui est énorme, sachant qu'il faut avoir le génie de Jean-Sébastien pour écrire des fugues à plusieurs voix. L'autre particularité afro-vocale est remarquable, c'est le chant du griot, très haut perché. Ça produit des garçons qui chantent avec de sublimes voix aiguës, Youssou N'Dour par exemple. Non, pas Goldman. Christophe Maé. Non, un peu. Ah bah ouais, quand je demande à Youssou N'Dour pourquoi vous chantez avec cette voix si particulière, et il me répond pour imiter le chant du muezzin. Ne pas oublier que les 5 appels à la prière quotidienne de l'islam produisent des chants sublimes, qu'il n'y avait pas de micro autrefois, qu'il fallait une sacrée voix pour appeler les fidèles en haut de son minaret. Nous, chez les cathos, on a les cloches, on se fatigue moins. Mais de même que la rencontre de l'islam et de l'Afrique va produire le chant des griots, la rencontre des protestants et des esclaves afro-américains va produire le gospel. Regardez, Clara Dupont-Mono, un bel exemple de... Non, pardon, de pas gospel. De gospel du tout. Quand la dévotion rencontre la voix, ça produit les plus beaux chants. Rappelez-vous aussi le chant diphonique du chaman mongol, hein, qui a le pouvoir de réconcilier la maman chamel souffrant de dépression postnatale avec son petit. La voilà, le chant ne peut être que religieux où il n'est pas. Les divinités qu'invoque Liane Lahavas sont celles d'une jeune fille moderne. Dans Unstoppable, elle chante une louange à la déesse de l'amour, elle chante son bonheur d'avoir trouvé le bon gars, Alex, ne désespérez pas. Cette ode résonne comme une jubilation, elle nous chante la puissance de l'amour. Quand on a trouvé l'autre, le parfait alter ego, alors on est unstoppable. Charline, avec vous à mes côtés, je me sens parfois tellement unstoppable que je pourrais faire durer ma chronique jusqu'au bout de la nuit. Non, je sens que votre regard se ferme. Je sens que vous êtes prise de vertige. N'ayez pas peur. Liane Lahavas est comme vous, elle sait jouer avec la puissance et la douceur, même qu'elle excelle dans ces deux émotions qui pourraient être contraires. Ses incantations sont celles d'une Amazone qui aurait gardé intacte sa poitrine et qui ne vous décocherait que des flèches d'amour. Dans le monde embouteillé de la soul, trop souvent noyé dans la mélasse, une gorgée de notes calypso gréco-jamaïcaine de Londres, c'est mieux qu'une détox pour les oreilles et le cœur. Stronger, I know it's taking a time to heal. We'll be unstoppable. Don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. Our heads held high when we walked down the line, honey, on and on through the clear night sky. No trace, floating through the darkest reaches of space. C'est Liane La Havas, la découverte d'André Manoukian. Merci, c'est joli. Ça vous plaît, Jean-Jacques Benex? Je trouve ça très beau. C'est pas mal. Alors, vous êtes mis au piano? Oui. Sur le tard? Sur le tard, 50 ans. Je suis une réclame pour le troisième âge. J'achète des pianos. Histoire vraie, Jean-Jacques Benex. À 60 ans, Mitterrand arrive au pouvoir, il met la retraite à 60 ans. Un garagiste de Lyon décide de prendre sa retraite. Et puis, toute sa vie, il a rêvé d'être musicien. Il rentre dans un conservatoire. Il dit, c'est quoi l'instrument le plus facile? On lui dit, la clarinette. Eh ben, je m'inscris à la clarinette. Il passe ses 5 années. Il passe son concours de clarinette. Il sort avec son prix de conservatoire. Et il voit... Opéra de Lyon recrute audition de harpistes, 3 savonnettistes et 1 clarinettiste. Il dit, il regarde, prix requis, condition, avoir un prix de conservatoire. Il dit, est-ce qu'avec ça, je peux y aller? Bien sûr, allez-y, il y va. Et il rentre à l'Opéra de Lyon à l'âge de 65 ans. Énorme. Donc, c'est pas foutu pour vous. Énorme. On peut faire un groupe punk si vous voulez. Voilà la proposition d'André Manoukian à Jean-Jacques Benex, qui est notre invité, qui met en scène Kiki de Montparnasse au théâtre du Lucernaire jusqu'au 18 octobre. Je peux poser une question, la réponse est facile parce que ça parle beaucoup du Montparnasse historique. Quand on sort, on a envie d'y rester. Est-ce qu'on va manger à la Rotonde ou à la Coupole? Question select. Purement parisienne. Hein. Ouais. Au Select. Au Select. Ah ben voilà, je vous donne 2 propositions. Voilà. Je sais la troisième. Non, pour dire qu'on parle de ce Montparnasse là dans la pièce. Oui. Et voilà. passons à la rue et au pavé avec Guillaume Meurice. Effectivement, Charline, moi je voudrais rendre hommage aujourd'hui à ceux qui nous nourrissent tous les jours, ceux qui nous nourrissent de pesticides, d'hormones de croissance, d'engrais chimiques. Alors nous à Radio France, ça nous fait pas peur parce qu'on mange à la cantine de la maison de la radio. Donc si on est encore vivant, c'est qu'on peut a priori résister à tous les aliments, il y a pas de souci avec ça. Je le confirme. Voilà. Mais aujourd'hui, je veux donc vous parler des agriculteurs et pas n'importe lesquels hein, pas ceux de la Confédération paysanne, là ces gros ringards qui font du bio pour les bobos parisiano du Pont Monod. Non, moi je veux vous parler des agriculteurs qui appartiennent à la FNSEA, le syndicat majoritaire de la profession. Ils s'étaient réunis hein, donc on l'a dit aujourd'hui à Paris, place de la Nation, et ils étaient venus avec tout leur soutien. C'est le cas de la première personne que j'ai interrogée. Pourquoi ce brave homme était-il venu? Parce que je soutiens les agriculteurs bretons. Qu'est-ce qu'ils demandent alors concrètement? Je ne sais pas exactement, mais ça je ne sais pas, je ne peux pas vous dire monsieur. Et ils ont raison. Et voilà, et ils ont raison de quoi alors? De manifester. Pourquoi? Non, je ne sais pas exactement, mais bon... Je ne peux pas vous dire plus. Hein. Voilà, donc lui, il ne sait pas, mais il était là quand même en soutien à la lutte pour... Bon, on ne sait pas, mais il était là. Il est solidaire. Oui, il est solidaire. Ah, d'ailleurs, si vous cherchez des gens hein, dans les manifs, voilà, invitez-le. Bon, pas forcément comme porte-parole, hein, je veux dire, mais pour faire du chiffre, il est efficace. Alors, les revendications, je vais vous les dire. La première, les agriculteurs de la FNSEA veulent moins de normes. Ils sont, selon eux, assaillis de règles dévastatrices. Alors, laquelle, selon cet agriculteur, cette fois, est la plus contraignante?

Ce que je me demande, si c'est pas 2.00. non. Ce sont des acteurs, finalement, les hommes politiques. Oui, ce sont des acteurs, mais je crois pas que ce soit de très bons acteurs. Parce que si c'était de bons acteurs, ils se rendraient compte que le comique de répétition, il faut être très fort pour savoir le manier. Et eux, ils se répètent sans être comiques. Et à la fin, c'est extrêmement lassant et uniforme. Donc, je me demande s'ils se sont rendus compte que, justement, étant beaucoup filmé et étant beaucoup vu, les gens qui n'avaient pas de mémoire finissaient quand même par faire des rapprochements. Et donc, quand on se répète, ça finit par lasser. Et je crois que beaucoup de gens sont lassés. Non, moi, ça m'a l'air, ça ressemble beaucoup à une opération de com, mais pour encore, attirer les jeunes, hein, oui, notamment. Mais faite par des gens qui sont encore très loin de la réalité, parce que les jeunes vont pas se laisser attraper avec ça. Ils manipulent ça formidablement bien. Ils vont se marrer avec ça, surtout. Oui, oui, nous, on va s'amuser à la détourner, bien sûr. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre reste quand même le lip-dop de l'UMP. Vous oui, bien sûr. Évidemment, oui. Les jeunes. Et vous pouvez aller voir ce qu'on appelle le Tumblr de Patrick Kanner. Alors, qui est Patrick Kanner? Le ministre des sports. Figurez-vous qu'auprès des jeunes, il va peut-être se faire connaître parce qu'il y a son fameux Tumblr. Vous allez vous taper T-U-M-B-L-R dans Google, Patrick Kanner. C'est so swag. c'est le ministre des Sports et de la Ville. Son Tumblr s'appelle Le Vrai Ministère. Et alors, il poste par exemple quand les éléphants du PS s'invitent à la soirée du mouvement des jeunes socialistes, et on voit deux personnes qui dansent. Voilà, c'est détournement d'extraits de films, de petits gifs animés. Comme rappelons que sur le compte Instagram de François Hollande, il y a 739 personnes qui le suivent. Angela Merkel, c'est 62 000 abonnés. Ah oui, on en est loin. Ouais, mais il y a des photos d'elle à poil aussi. Hein. Clara Dupont-Mono, tant que vous tenez le micro, ne le lâchez pas, faites-nous rêver avec un livre. Oui, Charline, car l'actualité cette semaine. J'aime bien ces intros. Oui, l'actualité cette semaine. Bien sûr, cette semaine. C'est la rentrée des classes. Absolument, c'est la rentrée des classes. Et nous avons tous, nous les adultes, tapis au fond de nous-mêmes, tout comme ça, tout mal, un môme qui dit un matin de septembre « Ah, mais je veux pas y aller ». C'est arrivé au plus grand. Vous, Jean-Jacques Benex, par exemple, la rentrée scolaire. Je ne me souviens pas. C'était youpi ou c'était au secours? Globalement. Honnêtement, c'est tellement loin. Non, mais vous n'êtes pas non plus un octogénaire édenté. Non, mais vous avez un souvenir de l'école qui était comment? Qui était à peu près correct ou c'était une torture? Non, c'était. Ça sentait une drôle d'odeur. C'était l'odeur de la craie. Il y avait des feuilles mortes. Non, c'était pas mal. Et puis il y avait des jolis trucs sur les tableaux. Non, j'ai plutôt un bon souvenir. Donc des souvenirs sensoriels. Oui. C'est déjà ça. Oui. Alors n'oubliez pas quand même, Jean-Jacques Benex, que la rentrée c'est aussi celle des professeurs et que eux aussi, ils ont un petit trac quand même face à ce nouveau public qu'est la classe, sans parler de l'angoisse de la mutation hein, qui arrive souvent 10 jours après la rentrée. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Julie von Reckem, qui est prof d'histoire et qui publie un livre réjouissant, Prof jusqu'au bout des ongles, aux éditions Stock. Ici tombe une bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le énième livre de prof qui est devenu un genre à part entière, un peu comme le premier roman, qui est presque un genre littéraire. Non, ça c'est le livre de quelqu'un qui adore enseigner et qui constate que son institution, l'éducation nationale, eh ben, beaucoup moins. C'est le livre de quelqu'un qui pense que son métier d'enseignant, c'est se remettre en question tout le temps, et qui travaille au sein d'une institution hyper rigide. Mmh. En filigrane de ce livre, durant tout le livre, il y a cette tension entre la souplesse mentale de l'enseignant et le dogmatisme de son ministère. La première, en gros, ne veut surtout pas dégoûter les élèves de savoir, et la seconde, elle veut surtout pas de vagues. Au moins, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Julie von Reckem? Eh ben, elle évacue par cœur le savoir encyclopédique, elle dit ça marchera pas, et elle privilégie l'agilité intellectuelle de ses élèves. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, elle leur fait faire des frises historiques à l'envers, c'est-à-dire qu'ils commencent maintenant. Et elle écrit « À rebours, mais c'est anti-historique, quelle idée !» Certes, mais il n'y a rien de plus pédagogique. Vous ne mangez pas votre millefeuille en commençant par la base, mais parce qu'elle est le plus proche de vous, la couche supérieure. Mais bien sûr, c'est logique. Et voilà. Et les élèves accrochent. Pourquoi? Parce qu'ils partent de ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire 2015. Ouais. Et de la même façon, elle leur enseigne l'évolution de la condition féminine en parlant de quoi? De Blanche-Neige ou alors de Fiona dans Shrek. Et non, mais les mômes, ils adorent. Roman national à l'envers. Exactement. Ouais, j'en connais qui vont s'évanouir. Avec leurs références en plus. Donc les enfants adorent et du coup, ils embrayent tout de suite. Alors tout ça, attention, elle l'a appris toute seule. Eh bien oui. Parce qu'elle écrit, durant ma formation, j'avais reçu d'excellents conseils pour organiser un cours sur la Méditerranée au XIIe siècle. En revanche, Je n'avais aucune idée de ce qui me permettrait de créer un climat de confiance avec la classe. J'avais seulement reçu un conseil, érigé en règle ultime de l'éducation prioritaire. J'allais devoir visser les élèves. C'est le mot qui est employé. Ce qui est bien sûr très facile quand on a 180 élèves, hein, en difficulté en plus. Et ça va de la petite peluche qui l'appelle maîtresse, voire maman, qui se trompe, jusqu'à l'ado agressif. Et je ne parle même pas du réveil à 4h30 pour, elle a calculé, 570 heures de transport pour 38 semaines de cours. Ça, c'est une autre chose que l'éducation nationale adore faire. C'est les mutations à l'autre bout du département. C'est un petit hobby comme ça, une petite faiblesse perso. Hop, ça, elle aime bien. Donc voilà pourquoi Julie Van Renkem, elle ne défie pas de son objectif qui est enseigner. Et enseigner, étymologiquement parlant, je parle sous le contrôle d'André Manoukian, ça ne veut pas dire... C'est sauver des mots. Absolument. Non, mais ça ne veut pas dire synthétiser les connaissances, évaluer les acquis, encore moins visser les élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire connaître par un signe. C'est-à-dire désigner, et d'ailleurs c'est la même racine que le mot signe, à chaque fois est dedans. Et le signe, c'est quoi quand on enseigne? Eh bien, c'est la voix. Et c'est là où Julie Van Renkem, elle a un point commun avec nous, tous autour de cette table. C'est qu'elle dit, en classe, la parole est un enjeu permanent. On la donne, on l'obtient, on la propose et on l'impose. La parole doit tourner entre élèves et professeurs, autant que l'air circule dans le corps. Et c'est exactement la définition de la radio, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Et sa conclusion aussi m'a fait penser à nous, parce qu'elle dit, peut-être suis-je en train de mettre en œuvre pour mes élèves ce qui, moi, m'a manqué. L'élément précis qui m'aurait fait rester en classe. Et donc, elle fait les cours qu'elle aurait rêvé d'avoir. Tout comme Charline, eh bien, elle a monté l'émission qu'elle avait envie d'entendre et que vous, Jean-Jacques Benec, sans doute, vous avez monté la pièce que vous auriez juste voulu voir. C'est un petit fondamental qu'il est très utile de rappeler quand on aime son métier. Je vous redonne les références. Prof jusqu'au bout des ongles de Julie Van Renkem, c'est paru chez Stock. Merci Clara Dumont. Bon, elle est bien cette Clara. C'est bien aussi, dit. Hein. Et, c'était pas mal. Alors, je pense qu'on va la garder. Nous sommes toujours avec Jean-Jacques Benec qui met en scène Kiki de Montparnasse au théâtre du Lucernaire jusqu'au 18 octobre. Et il y a un lien avec le troisième sujet parce que David Bowie prépare une comédie musicale sur Bob l'éponge. Nous avons la primeur. Vous désinformez un tout petit peu, mais allez-y. Allez, bah vous allez remettre l'église au milieu du village. Attention, parce qu'on a un extrait. Bob l'éponge par David Bowie, extrait. Swing, swing, masque contexte, tout en souplesse, en petite mise au point d'André Manoukian, il y a un peu de mauvaise voix. Il a accepté de faire une chanson, sachant qu'il y a plein d'artistes. Comme Aerosmith, voilà, par exemple. C'est ça qui accepte de faire le truc, donc c'est un patchwork. Mais celui-là, c'est très drôle, Bob l'éponge. Il y a un petit côté. Un spécialiste en David Bowie, la spécialiste en Bob l'éponge. Qu'est-ce qu'on en pense? Le débat n'a jamais été aussi animé. Il y a un petit côté critique de la société, avec notamment le capitalisme représenté par le crabe. Il est aussi question d'être asexué comme Bob l'éponge. Et puis il y a aussi... Patrick. C'est qui? C'est son copain. Ah, d'accord. Oh, super. C'est le copain de Bob. Bon, il y a quand même 8 milliards de produits dérivés pour Nickelodeon, qui est le diffuseur aux États-Unis, la chaîne de télévision. Alors, Jean-Jacques Benec, le lien entre David Bowie et Bob l'éponge, moi, il y avait un lien qui m'échappait. Ça peut. La signasse jaune. Qui a pensé à ça? C'est quand même fou, non? Je vois pas vraiment. Mais... Non, mais là, il faut faire un effort, que c'est un sujet. Ça ne m'émeut pas jusqu'au plus profond de mon âme. Ça ramène à la création de ce genre de spectacle. Est-ce que vous, on vous a appelé en disant Jean-Jacques, est-ce que tu veux monter Kiki de Montparnasse? Ou Jean-Jacques, qu'est-ce que tu veux monter? Oui, si. C'était Loïs Wagner qui m'a apporté le texte. Et j'ai dit oui. Et si, voilà, par exemple, si on vous avait dit Kiki, mais la petite figurine pour les enfants? Non. Non, vous auriez dit. C'est parce que vous avez été convaincu par ce qu'il avait montré. Mais bien sûr. Et un défi comme celui-là, un dessin animé, ça... Mais volontiers. Ah, quand même. Et bah alors, du coup, il faut regarder Bob l'éponge. Parce que Guillaume Meurice. J'aurais autre chose. Guillaume Meurice ferait très bien Carlo le calamar. D'accord. Il n'y a que vous qui connaissez les références. Ben voilà, c'est la différence. Les Amerlocs, ils montent Bob l'éponge. Et ici, en France, on monte Kiki de Montparnasse. Mais rassurez-vous, ils vont faire aussi Kiki de Montparnasse. Les Américains, vous voulez dire? Bien sûr. C'est-à-dire? Bien sûr, il y a un projet. Parce qu'à un moment dans la pièce, on voit qu'elle a essayé aux États-Unis et que ça n'a pas pris. Oui, mais alors franchement, elle est comme Django Reinhardt, elle n'était pas faite pour ce système. Et Django Reinhardt, il avait un concert, il a joué de la guitare au café, il est arrivé en retard. Et Kiki de Montparnasse, c'était un peu la même chose. Il était arrivé en retard à Carnegie Hall. Oui, à Carnegie Hall, quand même. Qui dirigeait, oui. Voilà. Et puis c'est vrai que les années 20, Montparnasse, ça fait rêver aussi les Américains, ce jeunissement artistique. Mais Django les a fait rêver aussi. Hein. T'as fait, même avec trois doigts. C'est le moment du sketch avec Alex Vizorek. Vous pouvez dire ça parce que vous êtes louviéroise, comme John Correa. Oui, sur tous les jours, je propose un sketch à l'invité. Je savais. Alors, aujourd'hui, eh bien, c'est toujours, ça découle d'une info. Hein. L'info, c'est que l'un des héros du Thalys a été recruté par Danse avec les Stars, version USA. C'est fou, c'est fou. Et donc, à TF1, évidemment, ils sont inquiets, il faut des surprises. On se rend directement au brainstorming de la production. Ça, les gars, on est mal. Mais pourquoi? Mais les Américains, ils sont plus forts que nous, là. Mais c'est comme dans le cinéma, mais on va pas se laisser faire, hein. Non, mais il a raison, on va trouver des candidats qui claquent, nous aussi. Mais non, mais c'est pas possible de faire mieux, le héros du Thalys, ça va être génial, ils vont déguiser sa partenaire en danseuse du ventre avec un niqab, et hop, il va la plaquer au sol, mais quelle image, ça va être fabuleux. Sinon, quelqu'un a une idée ou pas? Vas-y. Quelle image? Mais j'ai bien une idée, hein. Bon, alors, ouais. Ouais, vas-y, quelle idée? Vous voulez un héros? Oui, vas-y, à qui tu penses? Jean-Hugues Anglade. Ok, bah merci, on va réfléchir. Ouais. Et moi, j'ai des idées pour faire le buzz. Vas-y. Hein. Ouais. Alors, nous aussi, on va prendre quelqu'un qui a reçu la Légion d'honneur. Alain Minc, c'est un héros. Hein. Ouais, on va plagier Fred Astaire en nous faisant croire que c'est du nouveau, ouais. Donc, ouais, non. Alors, allô? Ah ouais, non, on t'a dit non. Hein. Mais c'est qui, non. C'est qui? C'est Jean-Vincent Placé, il voulait participer à l'émission. Non. Il faudrait peut-être une vieille un peu branchée. Il y a Liliane Bettencourt. Ah non, Liliane Bettencourt, non, faut pas la faire danser, hein, il faut la faire chanter. Oui, et puis Liliane Bettencourt, surtout, ça peut faire jaser. Non, il faut un truc inattendu, quelqu'un de difficile à avoir. Il y avait Dupont, là, des Ligones. Dupont Ligonnès. Ah ouais, non, trop difficile à avoir. Je sais pas, ouais, moi. Ouais. Vous me donnez chaud avec vos conneries. Hein. Chaud comment, c'est-à-dire? À peu près 37,2. Et... Mais voilà, je sais, on va engager Jean-Jacques Benex. Qui? Jean-Jacques Benex. Ah non, lui, je le connais pas. Vous êtes dans le cours. Non, on n'est pas vache. On prend tout le monde par surprise. Jean-Jacques Benex, c'était un plaisir de vous avoir avec nous parce qu'on a traité tous les sujets avec votre œil pertinent. Vous êtes trop aimable. Votre sagacité. Vous mettez en scène Kiki de Montparnasse au théâtre du Lucernaire jusqu'au 18 octobre. Alex Vizorek a beaucoup aimé. Oui, il valide. C'est un côté cabaret très parisien, allez-y. Voilà. Et alors, on me dit dans l'oreille 58-38, ce qui signifie que j'ai encore un petit mot. Une dernière question à Jean-Jacques Benex, peut-être. Moi, je voudrais savoir. Oui, non, allez-y, Manu. Non, vous avez non, 30 secondes. Vous avez... 30 secondes, ça va être la question de Manu. Tout le monde s'est précipité. Voilà, vous avez un truc avec les, j'allais dire, avec les actrices, avec leur Shining. Quand on parlait de Kiki de Montparnasse, quand Béatrice Dalle sort, les Américains sont dingues. Ils ont vu une nouvelle Bardot. Et pourtant, il y a un truc qui va foirer. Elle était trop punk. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Parce que vraiment, c'était la. Non, mais voilà, il faut laisser répondre maintenant. Mais c'est très vrai. C'est très juste. Tous les exécutifs avaient son numéro de téléphone. Elle n'en avait rien à battre. Et elle ne se rendait pas compte de ce qui lui arrivait. Mais très sincèrement, sans affectation, elle est comme ça. Et voilà, c'est le mot de la fin. Et on va se quitter avec l'actualité. Merci Jean-Jacques Benex. Merci. Parisien, c'est quand même un drôle de bestiau.